font qu'un peu les filles. Allez, Marcus! Ah, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM, RIGFM.fr. Pour suivre cette émission Johnny de A à Z, nous en sommes à la 481e émission. Depuis 20 ans, cette émission existe, c'est magnifique. On en veut encore et encore. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour suivre cette nouvelle émission qui va être consacrée à l'album Vie, qui est sorti le 28 janvier, du moins la réédition, le remix, on va dire, agrémenté de quelques titre inédit. On va parler donc de cet album Vie qui à la base est sorti le 6 novembre 1970 et c'est le 13e album de Johnny Hallyday. Il a été enregistré au studio Polydor 2 et au studio des Dames à Paris et l'album est réalisé par Lee Hallyday. Vie marque la rencontre discographique entre Johnny Hallyday et le journaliste, écrivain et cinéaste Philippe Labro. Au plus sa part dans la carrière du chanteur, ici son chant sous la plume de Labro se veut plus engagé. Les thèmes abordés évoque des problèmes contemporains, tour à tour politiques, contestataires, écologiques, avant que cela ne devienne une force et un argument politique. Hein. Et Vie chante son époque et le plus souvent le malaise qui l'accompagne. Paradoxe, Johnny Hallyday, qui artistiquement avait totalement ignoré mai 68, semble ici se rattraper et renouer avec sa génération en embrassant ses luttes et idéaux. Vie est aussi un album imminemment littéraire, pour lequel l'écrivain Jacques Lanzmann, parolier attitré de Jacques Dutronc, joint sa verve à celle de Philippe Labro. On va écouter tout le long de cette émission cet album remix Vie version 2022. Mais en plus, j'ai eu l'occasion d'interviewer Xavier Perrault, qui est le responsable artistique du catalogue de Johnny Hallyday chez Universal. On a à peu près pratiquement une demi-heure d'interview qui sera morcelée tout au long de cette émission. Et le premier titre qu'on va écouter de cet album-là, c'est le titre Essayer, qui est sorti en 45 tours le 5 janvier 1971. Au second, en face B, il y avait C'est écrit sur les murs. Mais concentrons-nous sur ce titre écrit par Philippe Labro et évidemment composé par Tommy Brown et Mickey Jones. Essayez-les. Et même si ça de guerre peuvent être fiers. Notre univers, ils l'ont gâché. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, faut essayer de vous aimer. Interpréter ce titre, essayé dans sa tournée 70 et au Palais des Sports et tournée 71 et qu'il a repris quelques années plus tard, plus de 30 ans après, en 2003, c'était au Parc des Princes. Et je vous ai dit que tout à l'heure, nous allons avoir des petits morceaux d'interview de Xavier Perrault, qui est le responsable artistique catalogue Johnny Hallyday. Et je lui ai posé déjà la première question. Déjà, que penses-tu de l'album Vie ? Le fait de travailler cet album-là m'a permis de redécouvrir à quel point il était fait de styles et d'une profusion de styles musicaux différents, en fait. Ce que je trouve déjà assez intéressant, ça c'est la première chose. Donc on est dans des ambiances complètement différentes entre c'est écrit sur les murs, essayé, poème sur la septième. On a des chansons un peu plus folk, americana, du type La fille aux cheveux clairs. Pas sur l'album, mais sur les productions de l'époque, il y a cette fameuse phase B de 45 tours de On me recherche, qui est aussi un petit peu dans cette veine un peu americana. Donc en fait, on a plein d'univers musicaux différents, ce qui change radicalement de l'album Rivière ouvre ton lit, qui était lui de la même couleur musicale du début à la fin, très radical, très blues rock. Basse, batterie, guitare et très dans l'énergie. Là, c'est complètement. Cet album est vraiment un patchwork. C'est ce patchwork musical qui était quand même qui est quand même assez intéressant, surtout donc après l'album précédent, Rivière ouvre ton lit. Et c'est aussi, même s'il n'y a pas de cause à effet par rapport à ça, mais c'est aussi le fait des textes de Labro, des premiers textes de Labro qui apparaissent dans cet album-là. Moi, je pense que par exemple, une chanson comme C'est écrit sur les murs, alors, on connaît tous Essayer. On connaît tous sorti également Poème sur la septième, mais je trouve que par exemple une chanson comme C'est écrit sur les murs, c'est une superbe chanson musicalement, les textes, ça me fait penser un petit peu à toute comparaison Valence Kelval, mais ça me fait penser un petit peu, c'est un petit peu le Street Fighting Man de Johnny Hallyday par rapport au titre des Stones. Je trouve qu'il y a un petit peu, on retrouve un petit peu ce côté chronique d'une jeunesse un peu en révolte à ce moment-là. On est quelques temps après 68. Il n'y a pas d'ailleurs qu'en France qu'il y a eu des mouvements de ce type-là, même si en France il avait pris un tournant sans doute peut-être plus politique, mais bon, on sait tous le Flower Power aux États-Unis et différents mouvements comme ça qui se sont disséminés à travers le monde. Donc, c'est un album très riche, très varié, et avec l'arrivée de Labro qui, je trouve, apporte un petit, quelque chose de neuf. Comme pas de fraîcheur. Il passe à autre chose en fait. C'est comme il le dit dans l'interview qu'on a dans le coffret. Il essaye d'apporter sa pierre. Et lui, c'est un journaliste. Enfin, pas que, mais là, à travers ce qu'il va proposer à Johnny, c'est à travers les chansons de rendre compte d'un certain nombre de choses, donc de reporter un certain nombre de choses qu'il a pu constater dans ses voyages aux États-Unis ou ailleurs. Voilà. Tu saches que je doute de moi. Il faut que je sache ce que tu penses de moi. Car si je le savais, avec toi je bâtirais chanson de Tommy Brown et de Mickey Jones et adaptée par Jacques Lanzmann. Je suis chanson de Mickey Jones, Hey Tommy Brown, et les paroles sont de Ezra Buskela, qui est signataire de 3 titres importants sur ce disque, et donc son témoignage est riche d'enseignements. Il disait, à la suite de quelques péripéties, me voilà au studio des Dames, convié à une séance d'enregistrement de l'album Vie, car si les maquettes ont été préparées à Londres, c'est à Paris que Johnny a posé sa voix. Ce jour-là, les séances de l'album Vie s'étalaient sur plusieurs mois, mais de mars à juin 70 notamment. Et il y avait une petite difficulté. Pour un titre, on avait un texte qui ne collait pas. Johnny me dit « Essaye, toi, pourquoi pas ?» J'y passe la nuit et le lendemain, je lui amène dans ton univers. Il le lit, ça lui plaît et du coup, l'idée m'en donne 2 autres à faire. On aura des petites anecdotes comme ça tout au long de cette soirée, mais nous avons aussi le témoignage, du moins l'interview de Xavier Perrault, donc le responsable du catalogue Johnny chez Universal. Et je lui posais la question également, que peux-tu nous raconter sur le remix de ce livre-disque? Donc oui, c'est un très bel album et qui est en plus, qui a cet avantage, c'est que on arrive maintenant à une période où les enregistrements, on a passé pratiquement toutes les années 60 où les enregistrements étaient en 4 pistes, c'est-à-dire quand même des moyens assez rudimentaires par rapport à ce qu'on a nous aujourd'hui dans l'industrie phonographique. En fait, le fait de, on passe maintenant à la fin 60, on passe du 4 aux 8 pistes, et c'est vrai que musicalement, ça permet aussi sans doute de bien rendre compte de la variété artistique de l'album. C'est-à-dire que le travail qu'on fait, nous, quand on travaille sur un album, on reprend donc les bandes multi, on les nettoie complètement, on enlève le souffle, on les nettoie pour qu'elles soient le plus propres possible. Et ensuite, on refait le mix à l'identique de celui qui a été fait à l'origine, simplement en restituant toute l'ampleur musicale possible qu'on peut grâce à ce travail de nettoyage. Donc c'est un travail vraiment très important, qui pour moi est aussi important que de, enfin, le fait de trouver un inédit est toujours une surprise, et là c'est une, enfin, est toujours une bonne surprise, mais en même temps c'est au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. C'est pas le but principal de trouver un inédit forcément. Non, on cherche pas un inédit, on retravaille les enregistrements d'un album, d'une année, d'un live. On cherche pas forcément un inédit. S'il y en a un, on en est très content, bien évidemment, mais c'est pas le but. Le but est vraiment de restituer dans les meilleures conditions possibles, compte tenu des moyens techniques qu'on a aujourd'hui à notre disposition, un enregistrement et toute la saveur, toute la puissance, toutes les couleurs que cet enregistrement contient. Voilà. Donc ça, c'est très important pour nous. Enfin, en tous les cas, dans notre approche, on passe beaucoup de temps là-dessus pour bien régler les choses. Et là, en l'occurrence, voilà, comme on arrive sur des 8 pistes, c'est assez intéressant. On va passer par la suite assez rapidement aux 16 pistes. Donc je crois que 71, l'album suivant, Flagrant Délit, c'est sur un 16 pistes. Et donc là, à chaque fois, on gagne en possibilité de restitution de la meilleure façon possible de l'enregistrement d'origine. Donc ça, c'est très très intéressant. Dans les halles des cars, sur l'arche des ponts, les murs des usines étaient prisons. Un peu moins de sang, un peu moins d'argent écrit sur les murs. Il suffit de sortir dans la rue et de lire ce qui est écrit sur les murs. Votre pourriture, personne n'en veut plus. C'est écrit partout, écrit sur les murs. Les murs des cavernes et les sang écrit sur les murs. Un peu plus d'amour, un peu moins d'argent, un peu moins de sang écrit sur les murs. Un peu plus d'amour, un peu plus d'amour, un peu plus Philippe Labrou écrit sur ce titre, cet esprit, c'est l'esprit de mai 68, le début des tags, des slogans que les mômes inscrivaient sur les murs de leur, avec leur bombe à peinture. La chanson raconte une époque, c'est des Aïbao, ces tracts géants que les étudiants maoïstes affichaient dans les couloirs des facs. Toute une famille artistique est née de là. Ça a influencé des graphistes, des peintres, et qu'est-ce qui est écrit sur les murs? Des mots de colère, de révolte. Je n'ai jamais été militant politique, j'en regardais tout ça avec mon œil de journaliste. Et le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe, et puis il rapporte. Et à travers cette chanson, j'ai restitué ce que j'avais compris et senti que de ce début de décennie, c'est qu'il y avait de plus significatif. Philippe Rabeau qui signe sa première collaboration avec Johnny Hallyday, notamment d'abord sur le titre « Jésus-Christ est un hippie » puis « On me recherche ». Il y a une petite vidéo, si vous avez le coffret vie hein, avec les quatre CD, le DVD et vous avez aussi les trois vinyles. Il y a aussi donc sur ce DVD une interview de Philippe Labrou. Je ne l'ai pas, mais nous avons toutefois la bande-annonce de cette interview. Je suis très heureux et très fier d'avoir pu participer à la réédition de ce très bel album, Vie, grand souvenir, avec un Johnny exceptionnel. On faisait quelque chose d'inédit et de différent. Je pensais que Johnny Hallyday pouvait parfaitement interpréter, symboliser l'air du temps. Dans les halles des gares, sur l'arche des ponts, les murs des usines étaient prisons. Un peu plus d'amour, un peu moins de sang, un peu moins d'argent écrit sur les... À travers certaines chansons, je ne faisais que restituer ce que j'avais compris et senti dans le début de cette décennie. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors, encore une fois, je tourne une page, d'écrire un nouveau chapitre de sa fabuleuse carrière. Sur cette plage, elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. y avait des galets dans le creux de chaque cascade, j'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher, de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai, le sable était blanc. Vraiment, c'est vrai, il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons. C'est vrai, ça a vraiment existé. Pour Jésus-Christ, Philippe Labro apporte le texte à Johnny, à Eddie Vartan et à Ali Hallyday. Et il leur propose. Voilà, on peut pas mettre ça en musique, mais Johnny, je te propose de le dire. Immédiatement, Johnny s'écrie. Mais je suis incapable de dire un poème. Arrête, tu sais bien que tu peux tout dire. Et j'ai proposé un fond musical qui correspondait à la gravité du texte. Un thème que j'adore, qui m'a toujours hanté et qui n'était pas souvent joué à l'époque. Il s'agit de l'Allegro de la 7e symphonie de Beethoven. Et j'ai dit à Eddie, tu le resserres un peu. Et quand ça a été prêt, on est parti en studio. Arrivé sur place, Johnny me dit, montre-moi comment tu ferais. Donc je prends le casque, je m'installe au micro, et là je joue le texte d'autant plus facilement que j'ai été comédien amateur dans ma jeunesse. Et à la fin du playback, je m'arrête. Johnny se précipite, m'arrache le casque des mains, prend le texte et le balance de toutes ses forces. Et là, c'est du grand Hallyday. Et la tension monte de 10 crans. Autre question que j'ai posée à Xavier Perrault lors d'une petite interview que j'ai proposée vendredi dernier, je lui ai demandé combien de temps passe-t-on sur ce remix complet. Alors la restauration sonore, en fait, le problème c'est que ça s'étale sur très longtemps, mais parce que on fait pas que ça à temps plein. Je travaille sur différents projets à la fois, sur différents artistes. Il y a des allers-retours avec le studio, la disponibilité des ingénieurs du son pour travailler dessus. Il y a les recherches des bandes déjà qui parfois sont très rapides, mais parfois sont beaucoup plus longues. Il faut savoir que ça, c'est un autre aspect de notre travail. Enfin, pas directement du mien, mais des gens avec lesquels je travaille, parce que moi, je suis le chef de projet, mais dans l'équipe autour de moi, il y a plein de gens, notamment, il y a des gens très importants à citer, c'est des gens de la documentation, qui est un service interne d'Universal Music, qui fait des recherches, justement, sur les bandes, qui fait tout ce travail de recherche, avec qui je discute, on a des échanges, on fait des allers-retours. C'est pareil, il n'y a pas de règles, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer que c'est un travail d'artisan, au départ. L'enregistrement, c'est vraiment un travail d'artisan au départ. C'est-à-dire que quand les gens ont enregistré cet album-là, eux, leur but, c'était de fournir une bande master pour l'usine. Mmh. D'accord? Donc, ils étaient donc focalisés là-dessus. Donc, tout ce qui pouvait ne pas concerner l'enregistrement final, la bande finale pour l'usine, eux, finalement, c'était pas leur priorité. Donc, bien souvent, tout ce qui n'est pas la bande master finale, qui elle est très bien renseignée, il y a une référence, tout est bien indiqué. Sur tout ce qui est étape précédente, là, par contre, bon, voilà, ils le font quand ils ont le temps de le faire, ils le font après avoir remis la bande, et parfois ils sont plus ou moins rigoureux dans ce qu'ils notent. Donc, l'archivage et l'indexation des bandes est quelque chose qui demande vraiment un énorme travail, parce que, en fait, voilà, les gens qui ont fait ça à l'époque étaient loin de s'imaginer que 50 ans plus tard, on chercherait à retrouver tout ce qu'on peut retrouver sur un enregistrement de 1970. Donc c'est un travail de longue haleine. Parfois peut mettre 15 jours et puis parfois peut mettre des mois. On se lance très en amont, mais il faut dire qu'une réédition comme celle-là, en fait, entre le moment où je démarre et le moment où le disque sort, il y a un an, quoi. Ouais, sachant que c'est pas que ça. fait pas de bruit, hein, mais pour nous. Voici à présent la version alternative de La Pollution qu'on retrouve sur l'album de la semaine, Vie. Les lapins se meurent dans les champs, pollués. Les poissons crevés dans les mers. Les hommes sont asphyxiés par l'air pollué. Les oiseaux muets dans les arbres pollués. Le muguet fané au printemps pollué. version alternative qu'on retrouve donc sur ce livre-disque Vie Remix 2022. Autre question que j'ai posée à Xavier Perrault, le responsable artistique catalogue de Johnny Hallyday chez Universal, combien de versions alternatives a-t-on sur chaque titre ? Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des étapes, on retrouve des étapes qui sont restées sur les bandes du travail. Il n'y a pas de version alternative pour tous les titres. Mmh. Ou si des fois il y a des versions alternatives, on considère que la différence est tellement faible entre la version publiée et la version alternative qu'on la garde pour nous. Mais parce que la différence n'est pas significative, en fait. Là où on commence un petit peu à se poser des questions, c'est effectivement quand il y a une vraie différence sur une prise voix, c'est pas la même prise voix. Sur des arrangements, ce sont pas les mêmes arrangements, etc. Donc non, il y a pas de règle en la matière. C'est-à-dire qu'on peut trouver parfois des titres avec plusieurs versions alternatives. Des fois, il y a pas de règle en la matière. Il y a vraiment pas de règle. Se déchire et s'enflamme dans le froid. Au fond de la nuit, ta voix qui s'étire me pénètre de ses doigts. Ne me laisse pas. Tu as besoin de moi. Et là-bas dans ton univers, où tu restes la prisonnière, il y aura du jeu des frontières. Et un jour tout s'écroulera. Abandonner un éclat de rire pour une étoile de roi. Ce monde frémit et tu as beau dire que rien ne soleil partout s'illumine, un océan gronde en moi. Mon cœur s'évapore et je m'imagine naviguant dans l'eau de là. Car ici dans notre univers, tu ne seras pas prisonnière. Il n'y aura plus de frontières. Et ce jour, tu me rejoindras. Oh. version alternative du titre qu'on retrouve dans l'album de la semaine Vie dans ton univers. Autre question pour Xavier Perrot. Bah donc alors ces versions alternatives, qui les choisit? On en discute en fait avec l'ingé son. Il faut que d'abord que si on choisit d'éditer une version, il faut que les choses soient quand même artistiquement correctes. Et puis ensuite on en discute et on fait un comparatif en fait avec la version éditée pour voir véritablement les éléments distinctifs qu'elle présente. Oui, il y a un brainstorming en quelque sorte. Bah, c'est pas un brainstorming dans le sens où on part des éléments factuels qu'on a. Si on a une version alternative, est-ce qu'elle est en quoi elle est différente? Voilà. Est-ce que la différence est apporte quelque chose? C'est ça, qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille, quoi. Voici un titre que j'adore évidemment. Version alternative, prise de voix alternative de la fille aux cheveux clairs. De la fenêtre mon train, un soir j'ai vu une fille qui avait les cheveux si clairs que j'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour et j'avais longtemps voyagé. J'avais la tête, je quitterai le navire avant la tempête. peut-être nous avons déjà perdu bien assez de temps. Je savais depuis longtemps que tout allait mal. Autour de moi les gens s'affolaient. Et aujourd'hui me voilà, il est arrivé ce jour béni où le monde entier va. voulait durer en gros 3 minutes. La version de Le Monde Entier Va Sauter dure 7 minutes et 22 secondes. Donc c'était la prise complète. Et donc Le Monde Va Sauter est une chanson écrite par Ezra Bouskella et avec la composition de Jean Festinesi et Yvan Wasana. Et quand Johnny ne chante pas en français, ben il chante aussi en italien avec une reprise, une chanson de Paolo Conte, Domenica Domani. Al grigio fiume che ignorato per lo più oggi vede intorno a sé tanta gente allora dà il suo spettacolo di serenità grazie a quelli che stan lì tra le ombre di un caffè grazie all'uomo buono che coi suoi figli giocherà perché sarà una domenica tutta giusta, sì, una domenica. Eccomi tra le tue braccia facili, cantami le tue canzoni inutili. Sei con me, è la mia felicità, fiore della mia città, che ho rubato apposta i suoi giardini pubblici, per un attimo. Grazie a te che non sei qui, per la mia infelicità, e non mi chiedi e non mi dai le parole che vorrei non aver detto mai. Per un attimo, o mille attimi, da sorridere. Eccomi, tra le tue braccia facili, cantami. La version de travail de Domenica Domani de Johnny Hallyday qu'on retrouve sur ce livre disque Vie, sorti donc le 28 janvier 2022. Par contre, l'album Vie, lui, ce qui est l'album de la semaine, est sorti le 6 novembre 1970. Tiens, maintenant voici Johnny Hallyday et le cinéma. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Ce livre disque Vie, donc, avec un titre inédit et que Universal a mis beaucoup de temps à retrouver, c'est le fameux titre du spécialiste. Mais justement, Xavier Perrault, le chef coordinateur de tout ça, de toutes les rééditions de Johnny, catalogue Johnny Hallyday, va nous en parler de suite. Je connaissais cette histoire de pirate et j'ai discuté avec Jean-Yves Millet, mon prédécesseur, à mon poste, qui a travaillé avec Johnny et qui a été à l'initiative notamment de la réédition de l'intégrale guitare en 93. Et lui n'a jamais retrouvé cette bande. Donc je la pensais vraiment perdue à tout jamais. J'ai fait une demande auprès de mon service documentation, je leur ai parlé de cet enregistrement, en me disant, bon, voilà, il faut aller jusqu'au bout de la démarche, je vais leur demander, mais j'étais vraiment certain qu'on ne la retrouverait pas. Sinon, elle aurait dû apparaître. Ben voilà, c'est un coup de chance. Hein. Ma collègue Noëlle de Bailleul a réussi à retrouver cette bande dans nos archives. Mais c'est vraiment un coup de chance, quoi. C'est vraiment un coup de chance. Et je pense que c'est le fruit aussi du fait que, année après année, on repasse, on re-repasse. C'est un petit peu comme... c'est l'image du chercheur d'or qui a son tamis, repasse, comme ça... les choses pour chercher au fond de la rivière une pépite, quoi. Et donc là, je pense que Noël maintenant a une solide expérience en la matière et qu'elle a pu, au fruit de cette expérience, mettre la main sur cette bande. Mais c'est vraiment quand même, il y a une grosse part de chance. Hein. Je reprends rien à ma collègue, mais il y a quand même une grosse part de chance et c'est vraiment, c'est une vraie chance. Certainement, de toutes les façons, compte tenu de tout ce qu'ils ont fait sur la chanson. Bon, voilà, il y avait une idée quand même de l'utiliser. La chanson, elle s'appuie sur la mélodie d'un thème du film. Elle a été adaptée par Georges Haber. Donc il y avait une idée, clairement. Il y avait tout ça n'a pas été fait dans le seul but de la laisser sur la bande et qu'elle dorme pendant 50 ans. Exactement. Mais pourquoi, qu'est-ce qui a stoppé sa commercialisation, sa sortie, son existence? Ça, et là, j'ai pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Et enfin, on a retrouvé cet extrait. Ces deux titres, la version normale et après la version acoustique du spécialiste. Comme un vautour, il plane, noir comme une soutane, ouais. Sans amis, toujours seul, triste comme un linceul. Devant lui, l'argent brûle et l'amour se recule. Oh oui, on l'appelle le spécialiste. La mort est son métier. Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers sa vérité. Il marche dans le sang, ses potes l'emportent. Il marche vers l'enfer, le diable l'emporte. Comme le serpent, il est froid, du cœur jusqu'au bout des doigts. Si tu deviens sa cible, cherche Dieu dans ta Bible. Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers sa vérité. Il marche dans le sang, ses potes l'emportent. Il marche vers l'enfer, le diable l'emporte. Il seul sur sa route, son unique ami, c'est son cheval. Il est seul. Comme un vautour, il plane, noir comme comme une soutane. Sans amis, toujours seul. Triste comme un linceul. Devant lui, l'argent brûle. Oui. Et l'amour se recule. Ah. Tout le monde l'appelle. L'appelle le spécialiste. Oui. Mais l'amour est son métier. Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers sa vérité. Il marche dans le sang, ses potes l'emportent. Il marche vers l'enfer, le diable l'emporte. Le diable l'emporte. Quand le serpent il est froid, du cœur jusqu'au bout des doigts, ouais. Si tu deviens sa cible, cherche Dieu dans ta vie. Je te dis moi frère. Comme la tarentule, dans ses yeux la mort brille. Tout le monde l'appelle, l'appelle le spécialiste. Oui, la mort est son métier. Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers la vérité. Il marche dans le sang, ses potes l'emportent. Il marche vers l'enfer, le diable l'emporte. Diable. Allez, on marque une page de publicité. Holiday by Holiday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Les gens courent, les gens se battent, car le monde est fou. Ils s'agitent, ils se débattent, oui, pour quelques sous. Je veux pas rentrer dans la ronde, car il manque au peu. Si peu de choses en ce monde, oui, pour être heureux. Car le monde est fou. Regardez-les qui s'agitent, oui, pour rien du tout. Je veux pas rentrer dans la danse, non, ah non, merci. Pas faire chanter en cadence, oui, pour mes amis. plongée dans la ville. Il ne comprenait rien, mais les gens de la ville hurlaient comme des chiens. Sur le bar, pour que chacun s'approche, une bouteille de Ricard. L'étranger dans la ville, il s'est fait des amis. On danse dans la ville toute la nuit. L'étranger dans la entre le 10 et le 12 décembre 1969, 9 chansons publicitaires à la gloire de Ricard, le géant du pastis. Ces titres sont diffusés sur les antennes d'Europe 1, les mercredis, vendredis et samedis, sur RTL, les lundis, mardis et jeudis, et sur RMC une fois par jour. Le contrat signé avec le producteur de Spiritueux ramènera Johnny sur scène pour une mini-tournée privée des sites Ricard en France à partir du 12 décembre. Première date à Lormont, dans la banlieue de Bordeaux. Ouais, c'est près d'ici, c'est près de chez moi. Et ce micro-tour donnera à l'artiste l'occasion de créer ou de reprendre 4 titres extraits de l'album Vie. Jésus-Christ, La Pollution, La Fille aux Cheveux Clairs et Rendez-moi le Soleil. Autre question que j'ai pu poser à Xavier Perrault au sujet des maquettes de Tommy Brown. Est-ce que ces titres étaient destinés ou devaient figurer sur l'album Vie en 1970? Non, ça c'est des maquettes de travail anglaises, c'est-à-dire que Mickey et Tommy, qui sont les encore à ce moment-là les chevilles ouvrières du son de Johnny, en fait, je pense, travaillent de leur côté et à un moment donné proposent à Johnny des chansons qui existent dans une forme plus ou moins aboutie. Et là, en l'occurrence, ce sont des chansons, voilà, qui sont abouties, qui certaines deviendront des titres de l'album parce que elles seront adaptées par la suite en français, comme ça a été le cas ici. Et d'autres, ben non, resteront les chansons proposées à Johnny que Johnny n'a pas souhaité prendre. Mais on ne sait pas pourquoi. J'ai pas d'explication par rapport à ça. Après, il y a certainement là-dessus, je pense, moi, en tous les cas, il y a un échange avec Hallyday, avec Lee Hallyday aussi possiblement, pour savoir ce qu'on fait. Mais je pense que c'est, il propose et Johnny dispose en quelque sorte. Voici le titre Mississippi, la maquette anglaise inédite du titre Rendez-moi le soleil. Alors j'essaie de chercher toujours Rendez-moi le soleil dans cette maquette. Rolling deep and wide Mississippi, and you set me free. Cradled me just like a baby, so good to me. I left my m'appelle Thomas Branche, je suis né à Londres en 1940. Merci. Allez, maintenant, on va écouter Ten Times a Day, toujours au chant Tommy Brown, une maquette qui était à la base peut-être prévue pour l'album Vie. On ne sait pas, Johnny a dit non, apparemment. On écoute ça tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Call back, three times a night, five times a year. I take a écoutez Érigé, la radio de June Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Aujourd'hui, on parle de l'album Vie qui est sorti le 6 novembre 1970, mais qui a été réédité, la version 50 ans plus tard, qui est sortie dans le commerce le 28 janvier 2022, et avec tout, avec plein de titres remixés, et plein de titres alternatifs aussi également, et puis la version inédite du spécialiste, enfin retrouvée, et à l'instant, on a entendu quelques maquettes de Tommy Brown. Petite question que j'ai posée à Xavier Perrault, par exemple, c'était quelles étaient les difficultés que son équipe a rencontrées pour la confection de ce livre-disque. Les difficultés qu'on a rencontrées sont principalement... c'est toujours pareil, c'est un peu une question de temps, de mener des recherches, d'essayer de retrouver des gens. Là, dans le livret, on a des interviews de plusieurs... en dehors de celle de Philippe Labro, bien évidemment, on a des interviews de plusieurs collaborateurs de l'album. Yvon Boisana, par exemple, qui a donné une interview à Jean-François Brieux. On a également Ezra Bousquela, qui a donné une interview. Mm-hmm. Voilà. Bon, eux, ce ne sont pas des collaborateurs réguliers de Johnny. Ils sont là juste sur cet album. Et en fait, après, ils ne reviendront pas. Ils se sont trouvés au bon endroit, au bon moment, j'ai envie de dire. Tous les témoignages qu'on peut récupérer sont les bienvenus. On a réussi à les retrouver. Ce qui est intéressant dans les témoignages, que ça soit Philippe Labro, que ça soit Yvon Boisana ou Ezra Bousquela, ce qu'ils disent tous les trois un peu la même chose. Il y a un point sur lequel ils se rejoignent, leurs témoignages se rejoignent, c'est la facilité avec laquelle les choses se faisaient. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se parlaient en direct, c'est-à-dire que Philippe Labro, quand il propose des textes, et il propose quand même des textes qui sont, par rapport à ce que Johnny a pu chanter par le passé, assez neufs. Ils ouvrent un pan de textes que Hallyday n'a jamais abordé par le passé, mais ils en parlent directement ensemble et il n'y a pas de négociation de tu penses, tu crois que, tu penses qu'il faut. Non. Voilà, on les propose. On les fait, on les fait pas. Voilà, les choses sont, on va dire, il y a un enthousiasme, mais il y a une simplicité qui est assez intéressante parce que ça montre la façon dont les choses se font avec, je trouve moi, une belle énergie et un bel enthousiasme. Mmh. Et aujourd'hui, quand on propose un texte à un chanteur, alors soit on le connaît, mais il faut passer par son management. C'est parfois beaucoup plus compliqué que ça ne l'était à l'époque, en tous les cas. Et je trouve ça assez intéressant, en tous les cas. Ah, je trouve que ça montre la façon dont les gens bossaient à l'époque, qu'il y avait c'était pas de l'insouciance, c'était une simplicité, tout simplement. Les choses se faisaient comme ça. Et vous pouvez vous retrouver, à un moment donné, embarqué dans une aventure, parce que vous êtes là, à ce moment-là, et que vous plaisez à la personne avec laquelle, là, en l'occurrence, c'était, par exemple, si je prends le cas de Ezra Bousquela, il était là, il travaillait avec Lee Hallyday à ce moment-là, et c'est Lee Hallyday qui l'embarque dans cette aventure. Voilà. Et puis, après, leur chemin se sépare, et voilà. C'est plein d'humanité, c'est plein de rencontres. Les choses se font simplement et avec enthousiasme. OK. Un titre qu'on laissait déjà depuis 2012 lors de la sortie de Johnny History, c'est cette version alternative de Pour moi, tu es la seule, qui figure également sur ce livre disque Vie, sorti fin janvier 2022. J'en ai vu beaucoup d'étoiles de ville en ville, et jamais sur mon chemin une fille comme toi. Trouver mieux, cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas, car pour moi, tu es la seule. La seule. Ta façon de me regarder et me troubler, ta façon et de m'embrasser me fait. Oh oh. Car pour moi, tu es la seule. Oui, t'es si jolie, mieux que ces filles dans les journaux. Pour te voir, les garçons arrêtent le roseau. Interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute la vraie joie, car pour moi, tu es la seule. Vraiment la seule.

ce que l'amour. Ah, tuer. Ah, tuer. N'oublions pas les musiciens qui ont participé donc à la conception de l'album Vie, puis aussi aux différents 47 tours qui ont été édités hors album Vie, et aussi aux différentes sessions d'enregistrement qui ont été rajoutées dans cet album disque. On peut rajouter, donc on parle des musiciens, les New Blackbird avec à la guitare Mickey Jones et Jean-Pierre Azoulay, à la basse Archibald Leggett, à la batterie Tommy Brown, au clavier Jean-Marc Deterre, aux trompettes Guy Marco et Jacques Poquelin, au trombone Pierre Guessing, et à la flûte et au saxophone René Morisure. Oui, celui qui était dans Les Musclés. Voilà. Puis donc, je tiens aussi à remercier Xavier Perrault, hein, le responsable artistique catalogue de Johnny Dish Universal, d'avoir répondu à mes questions pour votre plus grand plaisir et pour mon plus grand plaisir pour cette émission Johnny de A à Z spécial album Vie. Dernière question que j'ai pu lui poser, c'est que là, on va bientôt arriver au live. Le live de Cambrai du 4 septembre 1970. Et je lui ai dit, raconte-nous ce concert, raconte-nous donc le mastering d'une bande d'Europains. Alors, ce que je peux raconter, c'est que en fait, il y avait deux possibilités. Il y avait le concert du Golfe de Rouen et il y avait et alors Port Barcarès, non, hélas, parce que Europe 1 n'a plus la bande. Ils ont plus de bande. Donc Port Barcarès est tombé à l'eau, faute de bande. Mais par contre, ils avaient la bande de Cambrai et ils avaient la bande du Golfe de Rouen. Sauf que la bande du Golfe de Rouen, en fait, c'était pas la captation d'origine, c'était l'émission montée avec les commentaires de Patrick Topalov, je crois, qui présente l'émission. Et donc, Port Barcarès, faute de bande, tombé à l'eau. C'est dommage, parce qu'il y avait une très belle version de J'ai peur, je t'aime, qui durait 8 minutes. Voilà, et donc, et moi, bien évidemment, c'était mon premier choix. Ben oui, c'est comme moi. Donc, on est parti sur Cambrai. Après, les captations radio sont en général faites avec des moyens très rudimentaires. Donc contrairement à une captation faite par une maison de disques qui va capter plusieurs concerts, qui va avoir un dispositif beaucoup plus élaboré que ne le fait une radio, donc c'est toujours des documents qui sont au départ des documents très basiques, et donc après c'est un travail de studio, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'essayer de rendre le maximum de ce que la bande peut donner, l'enregistrement peut donner. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire, hein. Bien évidemment, on a cet objectif en tête systématiquement. Après, la difficulté, c'est qu'on part d'un matériau, qu'est-ce qu'il est, quoi. Et autant on peut y passer du temps, autant, hélas, on peut pas faire. Salut, c'est Johnny. On peut faire des miracles, tout à fait. Johnny en live. Allez, on part du côté de Cambrai, c'était le 4 septembre 1970. On va écouter, non pas l'intégralité de ce concert, car vous l'avez écouté déjà il y a 15 jours sur l'antenne de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z, lors de ce premier mercredi du mois de février 2022. On va écouter 6 titres live. Et on commence tout de suite par ce titre, à tout casser. Et vraiment, ce concert, c'est une petite pépite. Oui. We'll be right back.

fallait savoir. Rien qu'un homme est pour le dire ce soir. La joie va tenter. Regarde bien par la fenêtre. Ne vois-tu pas écrit en blanc qui me crie pardon en pleurant? Regarde. Cambrai le 4 septembre 1970. Voici dans l'émission de Johnny de A à Z. J'ai peur, je t'aime. te veux. Je te veux. Je te veux. Je veux te faire l'amour. Je veux te faire l'amour. Oh, je veux te faire l'amour. Ouais. Je te veux. Je te veux. Je te veux, je veux te faire l'amour. Je veux te faire l'amour. Je te veux. Je te veux. De l'album live Condé du 4 septembre 1970 en train de diriger dans l'émission Johnny Doazé spécial album Vie. Ah vraiment, hein, je vous conseille ce livre disque avec les 4 CD, ça suffit. Avec le CD 1, c'est l'album Vie, avec le CD 2, les 45 tours et les sessions d'enregistrement, le CD 3, Cambrai, et le CD 4, les chansons publicitaires. Je suis né à Paris. même si je n'ai pas changé. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Ouais. Maintenant je ne vis plus, où les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Les chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Car je suis né dans la rue. Dans la rue, ouais. Un sèche cette émission Johnny de AZ dédicacé du moins par l'autre. C'était l'album de la semaine Vie, la réédition, le remix 2022. Merci encore aussi à Xavier Perrault d'avoir participé à cette émission pour, avec cette petite interview. Bon rétablissement à Jean-François Chenu qui aura dû être là ce soir parmi nous pour parler de cet album et là également. Et je vous remercie aussi à vous, vous, vous, auditeurs, auditrices de RIG, de me suivre chaque semaine, de suivre cette émission Johnny de A à Z. À la semaine prochaine, à bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.